الكمبيوتر خلاص سجل. طيب، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فبإذن الله تعالى وبعونه سبحانه وتعالى نبدأ بشرح موجز هذه الرسالة المسمى بالوصية الصغرى أو سؤال أبي القاسم المغربي، هكذا اشتهر. Donc on commence l'explication de cette petite risala, on peut l'appeler risala, qui est en fait un chapitre important et qui s'intitule Al-Wasiyatu Sughra, qui est donc la recommandation mineure. On va voir ce que veut dire Al-Wasiyya wa kadhalik Al-Sughra. Et le deuxième titre qui a été donné également à ce texte, qui a été écrit par Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahmatullah alayh, qui le deuxième titre est Su'al wa Abil Qasim al-Maghribi, car on va voir que cette réponse de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah fait suite à une question qui a été posée par ce savant, un des savants du Maghreb. Donc l'auteur Ghani an al-Ta'rif, yani il est riche de toute présentation et tout le monde bi'idhnillah le connaît, qui est le shir de l'islam. Il a été nommé shir de l'islam, shir al-islam, car en réalité, comme beaucoup de savants l'ont rappelé, lorsque le shir, il parlait sur un sujet, ou lorsqu'il parlait dans une branche de la science, ou lorsqu'il parlait dans une des sciences, lorsqu'il parlait dans une science, c'est comme s'il la maîtrisait totalement. كَأَنَّهُ أَتْقَنَا ذَا الْعِلْمِ. S'il parlait dans la science du hadith, كَأَنَّهُ مُتْقِنْ وَمُتَبَحِّرْ فِي عِلْمَ الْحَدِيثِ. Lorsqu'il parle dans la science de la langue, كَأَنَّهُ مُتْقِنْ مُتَبَحِّرْ فِي عِلْمَ الْلُغَةِ. Comme si c'était le savant spécialiste dans la langue ou dans la science de la langue. Que ce soit également fil fiqh, que ce soit également fi usul al fiqh, que ce soit également fi tafsir. Et il faut savoir que le shir, il a pratiquement écrit dans tous les domaines de la science, fi jami' al ulum. Et en plus de cela, kana yastadrik ala al mutakhassisin, c'est-à-dire que il présentait où il faisait des rectifications de ce qui avait été écrit par des spécialistes eux-mêmes dans cette langue, ou dans cette science, et notamment, par exemple, dans la langue arabe. Également, il fut nommé Cheikh al-Islam, car en plus de sa science, s'il était connu par sa science, et quelle science? La science, comme on va le voir, et qui va être présentée dans la question par le questionneur As-Sa'il Nafsou, lui-même. On va voir qu'en plus de cette science, il a également raccroché à cette science al-amal, c'est-à-dire l'acte. Fakana mujahid, kana mujahidan bihaq. Il luttait par ses biens, il luttait par lui-même dans tous les domaines de la religion, que ce soit contre l'innovation, pour rectifier donc tout ce qui avait été altéré dans cette religion à son époque, ou alors que ce soit également pour lutter contre les envahisseurs. Et on sait qu'à son époque, il y en a eu, et ceux qui peuvent retourner et lire ce qui s'est passé d'un point de vue de l'histoire, d'un point de vue historique, ils s'apercevront que c'était une époque où il y a eu beaucoup de batailles, il y a eu des invasions, et également, il a combattu le Shir sur le front. Donc il était vraiment, yani, complet dans tous les domaines, que ce soit dans la science et également fil amel, c'est-à-dire dans l'acte. Cette risala, elle a été écrite en l'an 697. En l'an 697, alors que Cheikh l'Islam, Ibn Taymiyyah, il avait 36 ans. Il n'avait donc, on pourrait dire, à notre époque, que 36 ans. Mais à leur époque, 36 ans, sachant que Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, il est né dans une famille de savants, que ce soit son père, que ce soit son oncle, et qui avaient eux-mêmes une madrasa, qu'ils avaient donc une école. Donc il est né dans le bain, comme on dit. C'est-à-dire donc qu'il est né dans un milieu scientifique. Et que depuis son plus jeune âge, il a été baigné donc dans cette science. Rahmatullah alayh. Donc il n'est pas étonnant que, à 36 ans, des savants qui viennent de l'autre bout de la terre à lui pour lui demander une wasiya, pour lui demander une recommandation. Et quand à cette époque on demande une recommandation, on ne demande pas une recommandation à n'importe qui. On va demander une recommandation à la personne qui a le plus de science et qui a également le plus d'expérience et qui a passé une grande partie de sa vie fi talab al-ilm, c'est-à-dire dans l'apprentissage de la science, et qui a donc les capacités, la capacité de pouvoir donner une wasiya qui va être, comme on va le voir, jamia, qui va être globale, qui va être complète et qui va toucher beaucoup de points. Et donc, si le choix s'est porté sur l'explication de cette wasiya, de cette recommandation, ce n'est dans ce sens pas pour rien. C'est-à-dire que si aujourd'hui on étudie cette wasiya, c'est pour la mettre en application et qu'en réalité elle va nous être très favorable et très profitable et très bénéfique dans notre vie de tous les jours. Et c'est ça l'important. C'est-à-dire qu'on va apprendre aujourd'hui et dans les jours qui vont venir des choses qui sont essentielles dans notre vie et qui vont non seulement toucher notre religion mais également notre vie de tous les jours. Comme on va le voir dans la question, car il va avoir plusieurs sous-questions à travers donc le questionnement qui porte sur Al-Wasiyya. Donc on va commencer, bi-idhnillah, à lire cette Wasiyya, sachant que le questionneur, son nom complet, il s'appelle Abul Qasim ibn Yusuf ibn Muhammad As-Sabti. As-Sabti, c'est-à-dire de la ville de Sabt. Sabta, bil arabi. Hein? Sabta. Sabta, aynam. Fajaha min al-Maghrib لكي يلتقي بشيخ الإسلام ابن تيمية ويسأله هذه الوصية. تفضل. قبل أن يبدأ لا يعني j'ai remarqué que dans la nusra, l'exemplaire que vous possédez, que vous avez entre vos mains, il y a certaines erreurs et certains manquements. J'ai vu vite fait. Donc, Inch'Allah, le frère Abu Abd al-Razzaq, il va lire. Et ensuite, Inch'Allah, s'il y a des petites rectifications avec un nusra al-muhaqqaqa que j'ai. J'ai un nusra qui est muhaqqaqa. On donnera les petits points qu'il y a à rectifier. Bismillah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Salatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. سؤال أبي القاسم المغربي يتفضل الشيخ الإمام بقية السلف وقدوة الخلف أعلم من لقيت ببلاد المشرق والمغرب تقي الدين أبو العباس أحمد بن تيمية بأن يوصيني بما يكون فيه صلاح ديني ودنياي ويرشدني إلى كتاب يكون عليه ويرشدني يعني هم كتبوا يرشدني لكن يرجع بأن يوصيني وبأن يرشدني فيكون منصوب نعم ويرشدني إلى كتاب يكون عليه اعتمادي في علم الحديث وكذلك في غيره من العلوم الشرعية وينبهني على أفضل الأعمال ينبهني نفس الشيء وينبهني على أفضل الأعمال الصالحة بعد الواجبات ويبين لي أرجح المكاسب ويبين لي نفس الشيء ويبين لي أرجح المكاسب كل ذلك على قصد الإماء والاختصار والله تعالى يحفظه والسلام الكريم عليه ورحمة الله وبركاته. Donc ça, c'est la question qui a été posée de ce grand savant, du Cheikh Abu al-Qasim, rahmatullah alayh. Donc, on va s'apercevoir, ou avant même de commencer de lire et d'expliquer en langue française, bi'idhnillahi ta'ala, qu'est-ce que ma'na al-wasiyya. On a traduit al-wasiyya bi la recommandation. Qu'est-ce que ça veut dire al-wasiyya concrètement dans la langue arabe? الوصية ما تضمن أمرا أو نهيا أو وعظا موجزا نافعا جامعا ما تضمن أمرا لمن يكتب بالعربية ما تضمن أمرا أو نهيا أو وعظا موجزا جامعا نافعا c'est-à-dire معنى الوصية La recommandation, c'est ce qui va regrouper soit un ordre, soit une interdiction, soit une exhortation. Et cette exhortation, ou alors également cette interdiction, et également cette obligation qui va être donc donnée, elle va être mujaz, c'est-à-dire qu'elle va être concise, elle va être résumée. Également nafi'an. Car c'est le but. Nafi'an, ça veut dire utile. Elle va être également utile. Et jami'an. Jami'an, c'est-à-dire qu'elle va englober le maximum de points relatifs à ce que le musulman il a besoin dans sa vie de tous les jours, mais de manière concise. Taïb, faya tajma', tajma' umuran kathira. Et lorsqu'on dit jami'an, on se rappelle que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui-même, dans sa sunna, dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il utilisait ce qu'on appelle ce usloub. C'est-à-dire donc de répondre aux questionneurs ou alors de donner des directives en employant des termes qui sont résumés. C'est-à-dire peu de termes, mais qui veulent dire beaucoup de choses. C'est pour ça qu'on peut voir que certains savants, ils vont écrire, à partir d'une parole du prophète sur Salem, des pages et des pages de bénéfices, des pages et des pages de ce que peut tirer comme profit le musulman. C'est pour ça donc qu'on dit « jami'an tayyib ». Et il est venu dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam que c'est même une de ces min ikhtisasi sallallahu alayhi wa sallam aw fadlu, c'est-à-dire ce qui a été donné au prophète sallallahu alayhi wa sallam en plus des autres ou envoyés. C'est pour ça que dans un hadith authentique bal muttafaqun alayh anna an-nabi sallallahu alayhi wa sallam yaqul fuddiltu ala al-anbiya bi sitta, c'est-à-dire j'ai été préféré aux autres envoyés par rapport à six choses. Et on sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le meilleur des messagers, le dernier des messagers, le meilleur des messagers. Donc, bien entendu, ici, il y a un fadl. Et ce fadl, parmi ceux qui étaient cités ici dans ce hadith, fayaqul an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, parmi ce qu'il a répété et parmi ce qu'il a cité ici, u'titu jawami' al-kalim. U'titu, fi riwaya, u'titu jawami' al-kalim. Donc ici, Jawami' al-Kalim, c'est ce qu'on a cité comme sens de termes qui sont restreints, mais qui ont une grande signification. Hada Jawami' al-Kalim. Utitu Jawami' al-Kalim. Et c'est pour ça qu'à partir de ce terme-là, Cheikh Abdurrahman al-Sardi, rahmatullah alayh, un livre qu'on a commencé, qu'on a expliqué, ou dont on a expliqué beaucoup de hadiths, il a présenté un livre où il a pris plus de 99 hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui rentrent dans ce qui est min jawami' al-kalim, c'est-à-dire des hadiths où les paroles et les termes employés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam sont peu, sont restreints, mais qui nous montrent beaucoup de sens, beaucoup de directives, qui comprennent, qui englobent beaucoup de directives. Et le livre c'est Bahjatu Qulub al-Abrar min al-Sheikh Abdurrahman al-Sa'di rahmatullah alayhi. Et parmi les autres choses qu'a cité le prophète sallallahu alayhi wa sallam, نصرت بالرعب وفي بعض الروايات بمصيرة الشهر. C'est-à-dire que le prophète صلى الله عليه وسلم lorsqu'il se préparait à attaquer les ennemis, Allah عز وجل il mettait dans la peur des ennemis avant même qu'il se déplace vers eux, et même si la distance était de plus de un mois ou alors moins que ça, car dans certaines versions il y a uniquement نصرت بالرعب. Il mettait la peur dans le cœur de ses ennemis. De manière que déjà, avant même qu'il se présente, la défaite était déjà enclenchée. De par ce qu'il ressentait ses ennemis dans leur cœur. Ça, là, min fadl lin nabi sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que le butin de guerre, il lui est rendu halal, contrairement aux autres prophètes. Et également, جُعِلَتْ لِي الْأَرْضِ طَهُورًا وَمَسْجِدًا. C'est-à-dire que la terre, elle m'a été placée, c'est-à-dire pour ma communauté, pour moi et ma communauté, comme étant un endroit de prière et comme étant propre, comme étant pur. Sauf bien entendu les endroits qui sont venus dans la sunna et qui viennent spécifier que ces endroits, il est interdit d'y prier. Comme al-maqbara, ou alors des endroits où se trouvent Zibala, c'est-à-dire des ordures, etc. Tout ce qui est venu dans la sunna, qui est venu préciser que ces endroits-là, on n'a pas le droit d'y prier. À part cela, toute la terre, elle est pure. Toute la terre, on peut y prier. Et ça, ça fait partie des spécificités qui a été donnée au prophète, donc à cette communauté. Et également, wa ursiltu ila al-khalqi kafatan, c'est-à-dire qu'il a envoyé, il est envoyé le prophète sallallahu alayhi wa sallam à tout le monde, contrairement aux autres envoyés qui étaient envoyés à leur tribu, à leur peuple. Et également, Khutima bi an-Nabiyun, c'est-à-dire que ça a été la fin de An-Nubuwa, c'était la fin de la prophétie par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'il est advenu, il n'y aura jamais de prophète après lui, donc c'est également ici un fadl. Donc on revient, Ma'na al-Wasiyya, on a dit donc, Ma tadammana amran aw nahyan aw wa'dan mujazan nafi'an jami'an. Un exemple, qui c'est qui nous donne un exemple dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où il y a une wasiya, et où donc la réponse elle est plus que restreinte en termes de mots utilisés. Un hadith que vous avez tous appris, qui comprend trois... Naam, fadl. Ali wasiya, naam. صحيح قد يعتبر وصية لكن أنا الجواب عفوا la question c'est où il est présent où il est utilisé le terme ou que ce soit verbalement ou alors nominalement où se trouve le terme وصية ولكن نعم يعني يعتبر كثير من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وصية لكن ce qui va lorsqu'on a demandé au prophète صلى الله عليه وسلم une recommandation où le terme il est employé hadith que tout le monde connaît. نعم وصيكم بالتقوى صحيح ما في شك وصيكم بالتقوى نعم والسمع والطاعة هذا حديث نعم وصيكم بالتقوى والسمع والطاعة صحيح بس أنتم تذهبون بعيد alors que le hadith il est près de vous parce qu'il y en a beaucoup qui l'ont appris surtout ceux qui ont vu l'arba'in nawawi نعم hein. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a seulement dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a seulement dit deux mots. Hein? Ahsant. Rajulun jana nabi sallallahu alayhi wa sallam, qala awsini. Ish qala? Qala la taghdab. Hada ish? Nahyan? Hada nahyun amla? C'est une interdiction. Donc on a dit, matadamana amran ou nahyan. Hada nahyu. Et il lui a dit donc, awsini, c'est-à-dire recommande-moi quelque chose. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, en deux mots, la tarbab. Il l'a répété, la tarbab. Ne te mets pas en colère, ça c'est une wasiya. Taïb. Donc c'est un exemple, comprendre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite donc, on a dit, al wasiya tu sughra. Al sughra qui est le contraire de kubra. Car le cheikh de l'islam, il a également écrit une wasiya qui est al wasiya tu kubra. Donc ça c'est al wasiya tu sughra. Elle qui est donc mineure, contraduit par mineure. Ici, on va citer quatre points qui nous prouvent l'importance de ce qu'elle contient. Quatre points qui vont nous indiquer l'importance de ce qu'elle contient. Le premier point, c'est que son besoin de cette wasiya se fait ressentir en tout temps et en tout lieu. Fi kulli mekan wa fi kulli zaman. Et pour tous les musulmans. Li jami' al-muslimin. Le deuxième point, c'est qu'elle est résumée. C'est qu'elle est concentrée. Et qu'elle englobe plusieurs sujets vitaux dans la vie journalière et spirituelle du musulman. Donc on voit ici l'importance de ce qu'on va étudier. Qu'elle est claire et simple. Donc on remarque sa simplicité, sa clarté. Car on sait que Charles Islam Ibn Taymiyyah, il écrit beaucoup de livres. Même des livres qui sont sarir fil hajm. Taïb. Mais on sait que Charles Islam Ibn Taymiyyah, il a un langage qui est soutenu. Et que parfois, lorsqu'on veut comprendre une phrase de Charles Islam Ibn Taymiyyah, on a besoin de lire bittikrar, peut-être 10 fois, 15 fois, afin qu'on comprenne ce que Charles Islam Ibn Taymiyyah a voulu dire. Car il a un langage qui est soutenu, et qu'il emploie également beaucoup de termes techniques. Également, ceux qui ont lu des livres déjà de Charles Islam Ibn Taymiyyah vont s'apercevoir que le shir, lorsqu'il parle d'un sujet, il rentre dans plusieurs domaines de la science. Il rentre par une porte, il ressort par une autre porte sur un autre sujet de la science qui est toujours en relation avec la base qu'il va lui essayer de mettre en évidence, de clarifier à celui, au lecteur. Donc ce qui rend parfois les écrits assez difficiles et qui demandent eux-mêmes une explication, ce qu'ont fait donc les savants. Ou alors certains textes où on va s'apercevoir que, comme Al-Aqid al-Wastiya, c'est-à-dire donc ce précis qui a été écrit concernant le dogme, on va s'apercevoir que Charles Islam Ibn Taymiyyah, tout ce qu'il va utiliser durant les textes, c'est des versets du Coran ou des hadiths du prophète sallam, et peu sont les paroles de lui-même. Comme l'a fait Mohammed ibn Abdel Wahhab, lorsque vous avez vu avec le Cheikh Haytham, Kitab al-Tawhid, c'était dans la même lignée de ses œuvres qui ont été écrites dans ce sens. Et ensuite, c'est le fait qu'on va recevoir, lorsqu'on va la lire, si cette wasiya, elle a été donnée par Charles Islam Ibn Taymiyyah, elle a été donnée à celui qui a questionné, mais également à tous les musulmans qui vont lire après. Donc ça va nous permettre aujourd'hui, et les jours qui suivent, de recevoir une wasiya, une recommandation d'un grand savant. Alhamdulillah. Et ça c'est une ni'ma, de pouvoir étudier, de pouvoir entendre la wasiya d'un grand savant comme Charles Islam Ibn Taymiyyah. Et comme on l'a dit, c'est pas n'importe qui. C'est une personne qui était une mère de science. Donc ce qu'il va vous dire, il sait vraiment que c'est ce qu'il y a de très important dans la vie du musulman. Et on a vu également, de par l'expérience qu'il avait dans la vie. Rahmatullah alayh. Donc, comme l'a lu notre frère bien-aimé Abu Abd al-Razzaq, « Yatafaddalu shirul imam, baqiyatu salaf » Donc regardez comment il commence déjà la question, c'est-à-dire donc qu'il va rappeler la position et le rang de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah dans le monde entier. C'est-à-dire qu'il était reconnu comme tel auprès des gens de la sunna. Yatafaddalu Cheikh al-Imam baqiyatu salaf. Baqiyatu salaf. Donc, baqiyatu salaf, marna, on pourrait le traduire le reste, celui qui va rester parmi les salafs. Bien entendu, le Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, ce n'est pas un salaf. Mais du fait qu'il a hérité la science et qu'il a revivifié la science des salafs, fayun sabila ha'oula. Donc on aurait pu dire, il dit baqiyatu salaf, ou il aurait pu dire également dans le même sens, as-salafi. Tayyib, yana yunsab ilmu ila ilm as-salaf. Donc c'est pour ça que le terme il est employé ici, baqiyatu salaf. Et donc, on traduit ici plus précisément comme étant l'héritier. Baqiyya, ici c'est l'héritier. L'héritier des salafs. Et on sait que ce qui était héritier des salafs, c'est la science. Car les salafs, c'est qui les salafs? C'est As-Sahaba. Et c'est ensuite Tabi'in wa Tabi'a Tabi'in. As-Sahaba, de qui ils ont pris la science? Du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il nous dit dans un hadith connu, que tout le monde connaît? Inna al-anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman walakin warrathu al-ilm faman akhadha bihi faqad akhadha bi hafdin wafir. Les prophètes, ils ont donné en héritage la science. Ils n'ont pas donné de l'argent. Ils ont donné en héritage la science. Et ceux donc qui vont prendre cet héritage, ils auront pris une grande part dans cette vie d'ici-bas. Et c'est pour ça donc qu'on le traduit par héritier. Donc, les sahaba, ils ont pris l'héritage du prophète, et cet héritage, ils l'ont transmis ensuite à qui? Aux tabi'in, et ceux qui les ont suivis. Et ensuite, fil qurun al-muta'akhira, c'est pour ça qu'il va dire wa qudwatul khalaf, c'est-à-dire le modèle des successeurs. Donc, al-khalaf, c'est un antonyme de salaf. Donc, il a pris la science des salafs, et ensuite, il a été pour al-khalaf, pour ceux qui sont venus après, un modèle. Il est devenu un modèle de par cette science-là. Donc chaque personne qui va apprendre la science, la croyance, le fiqh et toutes les sciences de ces gens-là, de ceux qu'on appelle salaf depuis leurs livres, que ce soit comme par exemple l'imam al-arba'a, c'est-à-dire les grands imams des quatre écoles, alors ils auront pris la science des salafs. Ou alors des grands imams de ceux qui ont écrit wa dawwanu sunnah, ils auront pris également la science des salafs, comme l'imam al-Bukhari, ou Ashab al-Kutub al-Sitta, etc. Tayyib. Donc, quand on regarde la croyance de ces gens-là, quand on regarde la science de ces gens-là, on sait que c'était une science qui était authentique. Et c'est pour ça que, toujours, nahnu, on s'affilie à ces gens-là, à salaf. De par quoi? De par leur science. Et de par leurs actes qui étaient également en conformité avec leur science. Car c'est des modèles pour nous. Et tout ce ensuite, après les décennies qui vont venir, ou parfois les siècles même qui vont venir, les siècles, les décennies qui vont venir ensuite et ensuite, il y aura toujours des gens qui vont revivifier cette religion en prenant cette science des salafs et ensuite la retransmettant à qui? À ceux qui vont venir après eux. C'est pour ça que dans un hadith également qui est authentique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit « Inna Allah yab'athu li hadhi l'umma ala ra'si kulli bi'atin sana » Man yujaddidu laha dinaha. Ça, c'est un hadith qui est authentique. C'est-à-dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe que il y aura toujours ceux qui vont revivifier cette religion. Et le fait de revivifier cette religion, qui passe, bien entendu, par la science, cette science qui sera prise des salafs. Donc, Allah Azzawajal, il va envoyer tous les 100 ans une personne qui va revivifier cette religion. Et c'est vrai, si on regarde à chaque siècle, on trouve des grands savants de la sunna qui ont revivifié la sunna, qui ont fait revivifier la croyance des salafs. À son époque, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, ou aminhum. Car on sait qu'à son époque, il y avait des croyances qui étaient répandues, comme al-Asha'ira, tayyib, comme al-Mu'tazila, comme al-Khawarij, et toutes les sectes, al-Rawafid, et toutes les autres sectes, qui étaient beaucoup répandues. Et on sait que le Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il s'est fait emprisonner de par la défense qu'il avait de cette croyance, la croyance des salafs, et qu'il a combattu dans ce chemin-là. C'est pour cela qu'il a été enfermé, et c'est à cause de cela qu'il est mort, fi sabilillah, en prison. Tayyib. Donc c'était un de ceux qui ont revivifié. Et on peut s'apercevoir qu'en son époque, à l'époque de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, alhamdoulilah, il y a aussi eu d'autres savants, comme l'imam al-Dhahabi, etc., des gens qui ont écrit dans plusieurs sciences, de la science. Et on voit que l'adab, regardez maintenant, on va parler du adab, du questionneur. Regardez donc, il a fait l'éloge pour commencer un discours. Donc ça, c'est également un adab à avoir. Et également, yad'ou, on va voir qu'il fait des du'as pour le questionneur. Et ça permet au savant qui est, lorsque tu es en présence d'un savant, lorsque tu le rappelles par ses mérites, tayyib, sans faire ni rentrer dans on va dire, le roulou ou autre, mais dire bihaq, yani, et qu'ensuite tu lui fais des doigts, yani, hada, ça ouvre le cœur plus encore du savant pour qu'il te donne encore plus d'intention. Et c'est en réalité une chose que l'étudiant en science, il doit respecter. طيب. Ensuite donc, قدوة الخلاف أعلم من لقيت ببلاد المشرق والمغرب. Donc le plus savant que j'ai rencontré parmi donc les savants qui se trouvent en Orient, en Occident et en Orient. Taqiyuddin Abu al-Abbas Ahmad ibn Taymiyyah. Donc ça c'est son nom. بأن يوصيني بما يكون في صلاح الدين ودنياي. Donc ici le terme بأن يوصيني ici الوصية. Taïb, qui revient. Le terme al-wasiyya. À partir de là, donc, on va s'apercevoir qu'il demande bel et bien une wasiyya. Et que cette wasiyya, qu'elle concerne la réforme. Bima yakun fi salahu dini wa dunyaya. C'est-à-dire, donc, la réforme de la religion, de ma religion, mais également de ma vie d'ici-bas. C'est-à-dire, les choses mondaines. Car le musulman, il a également besoin d'avoir des conseils, des exhortations dans ce qui concerne les choses qui sont mondaines, taïb, et ça fait partie de la vie. Donc c'est pour ça que les deux domaines, ils ont été ici nommés par le questionnaire. Dini wa dunyaya. Wa yurshidani ila kitabin yakunu alayhi i'timadi fi ilm al-hadith. Ensuite, après avoir demandé, donc ça c'est le premier point, d'après avoir demandé cette wasiya, et qui est ici, am, qui est général, il va demander ensuite, on va dire, des sous-questions qui sont, on va dire, plus spécifiques, mais qui rentrent toujours dans al-wasiya, mais qui sont ici donc plus spécifiques, donc du plus général au plus spécifique. Il va demander donc un livre sur lequel il puisse donc revenir et s'appuyer dessus, donc étant un marja', et qui concerne la science du hadith. Et également d'autres livres. وَكَذَلِكَ فِي غَيْرِهِ مِنَ الْعُلُومِ الشَّرْعِيَةِ. Et également les autres livres. Et ça c'est important, c'est vrai. À chaque fois que quelqu'un qui débute, ou même une personne qui a déjà atteint un niveau, mais qui veut encore plus se spécifier dans certaines sciences, il demande toujours au savant quel livre il doit lire. Et ça, c'est important. Et la personne, c'est un point qu'elle doit observer. De ne pas lire. Il y a des gens, ils vont dans une bibliothèque, ils vont acheter le premier livre qui va venir, sans se soucier de ce qui est présent dans le livre. Peut-être qu'il va avoir dans ce livre-là des choses qui sont contraires à la sunna. Peut-être qu'il va avoir dans ces livres-là des choses qui sont contraires à la croyance des salafs, etc. Donc, comme on voit ici, et c'est ce qu'il a fait, on demande aux savants qui, eux, sont connus pour être des modèles, quel livre il est préférable qu'on étudie, suivant le niveau et suivant les branches de la science que l'on veut. Donc ça, c'est un point également qui est important. C'est de demander, si une personne qui veut commencer à lire et qui veut commencer à apprendre, qu'il demande à ceux qui ont de la science, qu'il demande quel livre il doit se procurer. Et donc, c'est ici une question donc de fiabilité. Une question de fiabilité. وَيُنَبِّهَنِي عَلَى أَفْضِلِ الْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ بَعْدَ الْوَاجِبَاتِ. Donc également, regardez, il va lui demander qu'il porte l'intention, qu'il lui fasse porter donc l'intention sur ce qui va être les meilleurs des actes pieux, vertueux, après al-wajibat, après ce qui est obligatoire. Inam. Ça également, c'est un point qui va être important et qui va faire partie de la vie du musulman. Qu'il sache après al-wajibat ce qui est le plus important à faire. Car il y a beaucoup d'actes, mais qu'est-ce qui est le plus important? Qu'est-ce qui va lui être très profitable? Le plus important, le plus important. C'est pour ça que on va voir qu'il est également important de connaître la réponse du shir dans ce sens. C'est-à-dire qu'il va lui clarifier ce qui est le plus profitable parmi les moyens de subsistance. Donc ici également encore la dunya. Donc regardez. Non seulement il demande pour sa religion, mais également il demande pour sa dunya. Et qu'est-ce qui va être le plus profitable? Yani quel métier, qu'est-ce qui va être le plus profitable pour pouvoir subvenir à ses besoins? Et sans que cela lui prenne peut-être trop de temps dans sa vie d'étudiant en religion. Ou qu'il ne va pas, yani la yastariq, qu'il ne prend pas tout son temps et qu'il ne devienne pas donc une personne qui ne travaille uniquement pour la dunya et qui oublie ce qu'est la religion, ou qui ne pratique que peu la religion, ou qui n'apprend que peu la religion. Donc c'est pour ça qu'il lui a demandé cette question. Donc, pour qu'il y ait ici un équilibre. Sans étant non plus une personne mendiante. Car on sait que, et il est également important pour celui qui va étudier, ou pour celui même le savant, il est important que il soit rani, c'est-à-dire qu'il soit riche de demander aux gens. Quand on dit riche, bien entendu, c'est yani yada nisba. Yani c'est pas mutlaqan, yani c'est pas de manière absolue, mais qu'il soit riche de demander aux autres. Qu'il soit riche de demander aux autres. Car bien entendu, une personne, même si elle a de la science et qu'elle demande aux autres, qu'elle mendie, etc., yani annas, yani il le regarde tanaqqusan, yani binaqs, quelque chose qui est, on va dire, incomplet. Donc également, c'est pour ça que la question, elle était ici importante à citer. Kullu dhalika ala qasdi al-ima'i wal-ikhtisar, wallahu ta'ala yahfadhuhu. Donc il veut, vu que c'est une wasiya, wasiya tussughra, il veut que ça soit donc يعني résumé et concis. Wallahu ta'ala yahfadhuhu wa salamu al-karimu alayhi wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc ensuite, regardez, il finit par une doua. Il finit par une doua. Donc il a commencé en citant les mérites du shir et il a fini par lui faire une doua et le saluer. طيب. كمل إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين. أما الوصية فما أعلم وصية أنفع من وصية الله ورسوله لمن عقلها واتبعها. قال الله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. ووصى النبي صلى الله عليه وسلم معاذا لما بعثه إلى اليمن فقال: يا معاذ اتق الله حيثما كنت، واتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. وكان معاذ رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة علية، فإنه قال له: يا معاذ والله إني لا أحبك، وكان يردفه وراءه. وروي فيه أنه أعلم الأمة بالحلال والحرام، وأنه يحشر أمام العلماء برتوة أي بخطوة. ومن فضله أنه بعثه النبي صلى الله عليه وسلم مبلغا عنه، داعيا ومفقها ومفتيا وحاكما إلى أهل اليمن. وكانوا يشبهه بإبراهيم الخليل عليه السلام، وإبراهيم إمام الناس. وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: إن معاذا كان أمة قانتا لله حنيفا، ولم يك من المشركين، تشبيها له بإبراهيم. ثم إنه صلى الله عليه وسلم وصاه هذه الوصية، فعلم أنها جامعة، وهي كذلك لمن عقلها، مع أنها تفسير الوصية القرآنية حق لله عز وجل. إن شاء الله بعد يكون أما بيان الجمعية هناك في سقط سقطين إن شاء الله بعد. طيب. Donc ensuite, il va répondre, le cheikh, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahmatullah alayhi, rahmatan wasi'a, alhamdulillahi rabbil alamin. Donc il commence, bien entendu, comme c'est la sunna, par les éloges faites à Allah azawajal. Et il a commencé par le premier verset de surat al-Fatiha. C'est le premier verset, al-Qul al-Arjah. La parole la plus forte, c'est qu'alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, c'est le premier verset de surat al-Fatiha. أما الوصية فما أعلم وصية أنفع من وصية الله ورسوله لمن عقلها واتبعها. Donc, il ne connaît pas, le shir, une wasiya qui va contenir plus de science, qui va contenir plus de bénéfices, de profits, que celle qui est citée par Allah et son messager d'Allah. Donc, il ne connaît pas une wasiya qui va être plus profitable que celle d'Allah et de son prophète. Liman aqalaha. Yani aqalaha huna al-fahm. C'est-à-dire, il va la comprendre. Al-fahm. Aqalaha. Al-Fahm, il va la comprendre. Al-Wa'i, kadhalik, c'est-à-dire qu'il va la contenir, cette wasiya, dans son cœur. Et également, il va observer ses préceptes et ses règles. Et ensuite, il va retenir son âme de tomber dans ce qui va à l'encontre de cela, de ce qui va être cité. Ça, c'est ma'na. L'iman aqalaha, wa tabaaha. Et bien entendu, qui va la suivre. Car la science, elle doit être suivie par l'acte pour qu'elle soit profitable, pour qu'elle soit, que ce soit un signe de sa validité. Et il va citer donc le verset du Coran. وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. Ça c'est الوصية. الوصية d'Allah subhanahu wa ta'ala لِعِبَادِهِ. وَلَقَدْ وَصَّيْنَا. Donc ici le terme qui a sa forme verbale et qui revient donc à الوصية. طيب. Donc le sens qui est le suivant. Nous avons certes enjoint à ceux auxquels avant vous, nous avons certes enjoint à ceux auxquels avant vous le livre fut donné, tout comme à vous-même, craignez Allah. Donc ici, taqwa. Ici, taqwa. Ça, c'est le wasiya. Le wasiya d'Allah Azzawajal, c'est taqwa. Taqwa Allah, subhanahu wa ta'ala. Et c'est cette wasiya qu'Allah Azzawajal, il a transmis à ceux qui étaient avant nous, les communautés qui étaient avant nous, la communauté musulmane, et à cette communauté, la communauté musulmane. Donc c'est la plus importante des wasiyas, car c'est la wasiyah d'Allah subhanahu wa ta'ala pour ses créatures, et qui est al-wasiyah bi-taqwa. Taqwa Allah azza wa jal. Maintenant, lorsqu'on voit que al-taqwa est cité ici, et que c'est un terme qu'on entend tous les jours, que l'on cite ou qu'on traduit par la crainte d'Allah azza wa jal, qu'est-ce que veut dire la taqwa? Qu'est-ce que veut dire la taqwa? Car lorsqu'on parle d'un terme, il est bien de savoir exactement ce qu'il veut dire dans la langue arabe. Donc un taqwa ici, un taqwa étymologiquement, c'est-à-dire l'oratène, un taj'al bayna shay, tayyib, un taj'al baynak wa bayna shay, ay shay, wiqaya. C'est-à-dire que tu places entre toi et une chose, n'importe quelle chose, une protection. Ça c'est marna la taqwa fil l'ora. Tu places entre toi et une chose, n'importe quelle chose, une protection. Wiqaya. Tayyib. Et on se rappelle cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a dit dans le hadith authentique wa awsa al-shabab ya mahshar al-shabab man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj fa innahu aghabbu lil-basar wa ahsanu lil-farj. وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِيعْ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِيعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمْ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ. Donc dans ce hadith où le prophète sallam il a donné, il a recommandé, il a conseillé les jeunes de se marier pour ceux qui en ont la possibilité. Ça c'est un conseil du prophète sallam à tous les jeunes de se marier pour ceux qui en ont la possibilité. Car ça va leur permettre, ça va être plus profitable pour eux afin qu'ils baissent le regard et qu'ils protègent donc leur sexe de tomber dans le haram. Et celui qui ne peut pas, qui n'a pas la possibilité, alors qu'est-ce qu'il fait? Il jeûne. Et c'est pour ça qu'ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam yu'allil, il explique pourquoi il va dire fa'innahu lahu wija'un. C'est-à-dire donc c'est pour lui wija'un ma'na wiqaya. C'est pour lui une protection. Donc il a mis ici le musulman une protection de se protéger, de tomber dans quoi? Dans le zina, dans le haram. Donc s'il ne peut pas se marier, c'est la première protection. S'il ne peut pas la faire, alors il fait le jeûne pour se protéger de tomber dans le zina. Et donc ici, c'est dans le sens de at-taqwa. Et at-ta'rif, on va voir d'abord ce que nous donne le Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, qui nous donne l'explication ou le sens ou la définition de at-taqwa fi majmu' al-fatawa. Il nous dit ismun yajma'u fi'ala kulli ma amara Allah bihi ijaban aw istihbaban aw naha anhu tahriman aw tanzihan wa hadha yajma'u huquq Allah wa huquq al-ibad. C'est-à-dire c'est un nom qui va englober tout acte يَجْمَعْ فِعْلَ كُلِّ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ. Tout ce que Allah, il a ordonné. Et que ce soit ijaban ou istihbaban, c'est-à-dire une obligation, lorsqu'on dit ordonné, que ce soit obligatoire ou alors que ce soit istihbaban, surérogatoire. Ça rentre toujours dans l'amr. L'amr, soit il est obligatoire, soit il est surérogatoire. Mais il reste le terme amr. Donc c'est pour ça qu'on dit l'amr, ijaban ou istihbaban. Istihbaban. De même pour ce qui est de an-nahi. An-nahi qui est l'interdiction. On traduit directement par l'interdiction, mais le terme an-nahi, il peut vouloir dire, en fait, soit tahriman, donc ce qu'on traduit nous en français interdiction, c'est-à-dire c'est interdit, strictement interdit, ou tanzihan, c'est-à-dire que c'est makruh, marna makruh, que c'est déconseillé. Même si la personne elle le fait, même si elle ne tombe pas dans le péché, ça reste pour lui makruh. Tayyib. C'est-à-dire que cela va également englober les droits d'Allah et les droits des serviteurs. Que ça concerne donc les droits directement qui sont liés à Allah Azzawajal, ou que ça concerne les droits qui sont avec les serviteurs. Ça c'est la ma'na, yani ma'na taqwa, comme nous l'a répété ou nous l'a cité Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahmatullah. Tayyib. Sinon, ce qui a été connu, et c'est une deuxième définition que l'on va donner, une définition prise parmi les salafs, ou un parmi les salafs, et qui est Talq ibn Habib al-Anazi al-Basri rahmatullah alayh wa huwa min al-tabi'in wa haddatha an ibn Abbas. Il a pris sa science de ibn Abbas, également de Jabir ibn Abdullah, également de Jundub ibn Sufyan et d'autres encore. Habib ibn Talq Arfwan ibn Habib al-Anazi al-Basri. Et c'est une définition qu'il a donnée pour exprimer ce que voulait dire précisément la taqwa, qui était repris par beaucoup de savants, et qui est donc al-amalu bi ta'ati llahi ala nurin min Allah raja'an thawab Allah raja'an thawab Allah, c'est-à-dire donc l'acte al-amalu bi ta'ati llah, l'acte en obéissant à Allah azawajal, dans l'obéissance à Allah azawajal, ala nurin min Allah, ala nurin min Allah, c'est-à-dire sur la lumière d'Allah. Et la lumière ici bi ma'na al-ilm, c'est-à-dire qu'on fait cela avec science. Nour, un nour ma'na al-ilm. Al-amalu bi ta'ati Allah ala nourin min Allah raja'an thawab Allah wa tarku ma'asi Allah ala nourin min Allah makhafatan adhab Allah ou makhafata adhab Allah. Donc, la deuxième chose, c'est délaisser les péchés, les désobéissances à Allah azawajal, avec science, également savoir ce qui rentre dans la désobéissance. Donc, ala nourin min Allah, makhafatan, c'est-à-dire que on fait cela de peur que l'on tombe ou qu'on soit sujet au azab, c'est-à-dire donc au châtiment d'Allah azawajal. Ça, c'est l'une des meilleures définitions qui était donnée et qui était rappelée tout le temps par les savants de la sunna. Al-amalu bi ta'ati Allah ala nourin min Allah raja'an thawab Allah wa taku ma'asi Allah ala nourin min Allah makhafatan ou makhafata adhabillah. Et parmi ce qui était cité pour ce qui est des bénéfices de la taqwa, on va voir qu'il y a plusieurs bénéfices qui sont pris du Coran, mais parmi les paroles qu'on rappelle des salafs et qui sont des paroles importantes et qui nous permettent de comprendre la portée en religion de la taqwa, la parole de Al-Hassan al-Basri, rahmatullah alayh, qui nous dit « Mazal al-taqwa bil-muttaqin hatta taraku kathiran min al-halal makhafat al-haram. Mazal al-taqwa bil-muttaqin hatta taraku kathiran min al-halal makhafatan ou makhafat al-haram. » Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que la taqwa, elle ne cesse d'être présente chez celui qu'on peut appeler donc al-muttaqi, qui est vraiment la personne vertueuse, qui est la personne qui est pieuse. Cette personne-là, il ne cesse donc de faire progresser cette taqwa jusqu'à qu'il va délaisser beaucoup de choses qui sont en réalité halal. Lorsqu'on dit halal, ça rentre dans le sens du hadith où le prophète sallam il a dit inna al-halal bayyin wa inna al-haram bayyin wa baynahuma umurun mushtabihat wa baynahuma Umurun mushtabihat. C'est-à-dire que le halal, il est clair. Le haram, il est clair. Il y a entre eux des choses qui sont ambiguës. Entre ces deux choses, il y a des choses qui sont ambiguës. فَمَنْ اِتَّقَ الشُّبُهَاتْ فَقَدْ اِسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ. Et donc celui qui va s'écarter de cela, il va donc préserver son honneur, il va préserver sa religion. طيب. Donc c'est dans ce sens, les choses qui sont mushtabihat, qui peut-être, il va y avoir des fatwas qui vont nous dire c'est halal, etc. Mais la personne, plus l'effet de la taqwa, elle est présente, elle est active sur lui, plus donc il va délaisser tout ce qui est de ce domaine-là. Et même des choses qui sont, il rentre également dans les choses qui sont mubah. Certaines choses qui sont mubah, qui sont autorisées dans la religion, mubah, mais que à force de les faire et augmenter la pratique de ces choses, ça va avoir une influence néfaste pour notre religion. Donc al-muttaqi, celui qui ne cesse donc d'avoir de la taqwa, de se rapprocher d'Allah Azzawajal, il arrive à un stade où il délaisse ces choses-là. Bien entendu, ce n'est pas donné à tout le monde cela. Et on demande à Allah Azzawajal qu'il fasse, qu'on se rapproche de ce degré. Certes, c'est un degré qui est élevé, mais c'est la réalité de la taqwa. C'est ce à quoi elle nous amène. C'est ce à quoi son influence est palpable chez l'homme, lorsqu'il arrive donc à ce moment-là. Il arrive donc à ce stade-là. Également, une des paroles qui est prise donc de Maymoun ibn Mahran, rahmatullah alayh, المتقي أشد محاسبة لنفسه من الشريك الشحيح لشريكه. C'est-à-dire que le muttaqi, il est dur en compte envers lui-même. Lorsqu'il fait les comptes sur sa propre personne par rapport à ses actes, par rapport à ce qui s'est passé durant sa vie, les actes qu'il a accomplis, il les mesure, il les regarde par rapport au bien, par rapport au mal, ce qui est ambigu. Alors, au moment où il fait ça, waqfa, il fait une pause, il se pose des questions sur ce qu'il fait, où il va, il fait donc les comptes de sa propre personne. Alors, au moment où il fait les comptes, il est encore plus dur envers lui-même que l'associé, celui donc qui a, par exemple, un commerce avec une autre personne ou qui a établi une entreprise avec une autre personne et qui est lui à la base shahir, c'est-à-dire donc qui est avare. Comment il va faire les comptes, quelqu'un qui est avare, avec son associé. Le taqir ala au centime près. Et donc c'est dans ce sens où cette image, cette métaphore qui nous est donnée par Maymoun. Et ici on va citer les fruits de la piété. Ce qui va nous permettre de connaître l'influence de la piété, et les portes que ça va nous ouvrir sur nous-mêmes, sur nos familles, sur nos actes, sur toute chose dans la vie d'ici-bas, sur toute chose. Parmi les fruits de la piété, al-hifdhu min al-a'da. Al-hifdhu min al-a'da. Al-hifdhu min al-a'da. C'est-à-dire donc la protection contre les ennemis. Wallah azza wa jalla yaqul wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kayduhum shay'a. C'est-à-dire donc si vous patientez et si vous avez donc, vous faites preuve de piété, à taqwa, la yadurrukum kaydhum shay'a. C'est-à-dire donc, al-kayd, la ruse de vos ennemis, ne peut vous atteindre. Elle n'aura pas de résultat sur vous. Ça, c'est le premier verset du Coran. Donc, al-hifdhu min al-a'da. Par la taqwa, on est protégé contre les ennemis. Tayyib. Également, al-ta'yid wa al-nasr wa al-ma'iyyatul khassa. Al-ta'yid. والنصر والمعية الخاصة c'est-à-dire l'appui d'Allah Azza wa Jal, la victoire d'Allah Azza wa Jal, et également المعية الخاصة, c'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal, il va être avec nous, cette معية qui est spécifique, car on sait qu'il y a deux sortes de معية, المعية qui est la compagnie d'Allah Azza wa Jal, la compagnie qui est عامة et la compagnie qui est خاصة, la compagnie qui est générale et la compagnie qui est quoi, qui est spécifique. La compagnie qui est générale, c'est pour toutes les créatures, qu'elles soient musulmanes ou qu'elles soient mécréantes. Taïb, car Allah Azza wa Jal, il est avec nous dans le sens où il nous voit, il nous entend. Il en voit, il voit, il entend toutes les créatures. Donc bien entendu, al-ma'iyya, comme c'est la croyance des gens de la sunna, ça ne veut pas dire la croyance que Allah Azzawajal, il est parmi nous, de par son entité. Mais Allah Azzawajal, il nous voit, il nous entend. Bi'ilmihi, subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est le mari al-amma. Donc Allah Azzawajal, il est en notre compagnie, de manière générale. Et cela est valable pour tous les hommes. Par contre, al-ma'iyatul khassa, ça, c'est la compagnie d'Allah Azzawajal, spécialement pour les croyants. Et cette ma'iyya, justement, qui est bima'na ta'yid wa nasr, c'est-à-dire qui a le sens de la protection, qui a le sens de la victoire, du support, de l'appui d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le verset est le suivant: Inna Allah ma'alladhina attaqu walladhina hum muhsinun. C'est-à-dire qu'Allah Azzawajal, il est avec ceux qui sont pieux et ceux qui sont bienfaiteurs. Inna Allah ma'alladhina attaqu. Inna Allah ma'alladhina attaqu walladhina hum muhsinun. Tayyib. Également, le troisième point parmi les fruits de la piété, il y en a beaucoup, on va en citer un nombre. Husul al-makhraj wal-risq. Husul al-makhraj wal-risq. C'est-à-dire donc qu'on va pouvoir obtenir une subsistance d'Allah et qu'on va également pouvoir obtenir une issue à tous les problèmes qu'on peut avoir ou à beaucoup de problèmes qu'on peut avoir. Celui qui fait preuve de taqwa, il va obtenir cela. Et ça, c'est la parole d'Allah Azzawajal. C'est la parole d'Allah Azzawajal. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Et donc, celui qui craint Allah Azzawajal, il va lui ouvrir des portes, des issues. Taïb, il va pourvoir à ses besoins là où il ne s'y attendait pas. Subhanahu. Deux, également, husul al-taysir. Husul al-taysir, c'est-à-dire donc obtenir la facilité dans beaucoup de nos affaires lorsqu'on craint Allah Azzawajal. Et il est vrai que celui qui va craindre Allah, il ressent cela. Il va certainement avoir une expérience dans sa vie qui va lui prouver que, de par cette taqwa qu'il a eue par rapport à des événements, par rapport à des positions dans cette vie ici-bas, et qu'il a préféré la taqwa au délaissement ou alors au relâchement ou autre, alors il va s'apercevoir que dans sa vie, il a eu des taïsirs qui sont incroyables, c'est-à-dire des facilités qui sont incroyables. Mais bien entendu, ça demande des actes, ça demande de la sincérité, ça demande de la foi dans la vie de tous les jours. Et ça demande d'augmenter de manière constante toutes ces choses. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. Et celui donc qui craint Allah Azzawajal, alors Allah subhanahu wa ta'ala, il va lui faciliter dans son affaire. Il va lui faciliter dans son affaire, subhanahu wa ta'ala. Également, قَبُول الْعَمَلْ. إِنَعَمْ. قَبُول الْعَمَلْ, c'est-à-dire obtenir l'acceptation de nos actes. Car on fait des actes. Chacun de nous, il fait des actes dans la religion. Mais le plus important, est-ce que ces actes-là, ils sont agréés par Allah et ils sont acceptés par Allah Azzawajal? C'est ça le final pour nous. Faire des actes, même, on en fait. Tout le monde en fait. Suivant les degrés et suivant le nombre. Mais est-ce que ces actes-là, ils vont être acceptés? C'est ça le plus important. Et donc, ce qui va nous assurer qu'ils sont acceptés, nous donner une assurance, c'est de par notre crainte d'Allah Azzawajal, de par notre taqwa. Innama yataqabbalu Allah min al-muttaqin. C'est-à-dire Allah Azzawajal. Innama, c'est-à-dire innama ici l'hasr. Yani uniquement Allah Azzawajal, il va accepter les œuvres de qui? De al-muttaqin. Innama yataqabbalu Allah min al-muttaqin. C'est-à-dire qu'Allah Azzawajal, c'est des pieux qu'il accepte. Qu'il accepte donc les œuvres. Également être le plus noble. Être le plus noble auprès des gens, auprès d'Allah Azzawajal d'abord et ensuite également auprès des gens. Inna akramakum 'inda Allah atqakum. Et de même, an-najatu min an-nar wal janna. An-najatu min an-nar wal janna. Thumma nunajji alladhina ittaqaw. Et ensuite, nous avons écarté, nous avons préservé, nous avons sauvé ceux qui ont cru. De quoi? Du nar, c'est-à-dire du feu. Également, al-furqan, in'am. Ça, c'est également un point important, al-furqan. C'est-à-dire, celui qui craint Dieu, qui craint Allah, il lui donne un discernement. C'est-à-dire qu'il sait discerner dans sa vie de tous les jours. Il sait discerner entre le bien et le mal. Il sait discerner en ce qui est profitable pour lui et ce qui est néfaste. Et combien de gens, ils ont besoin de ça? Combien de gens, ils sont face à des situations dans la vie de tous les jours, ils ont besoin de savoir Alors il téléphone à quelqu'un, ou alors il demande, yastashir, il se concerte, etc., pour savoir ce qui va être profitable ou non, ce qui va être bien ou mal pour lui, il ne sait pas des moments, souvent même. Et donc le fait de craindre Allah Azzawajal, ça, c'est min fadlillah, il va lui donner un discernement dans la vie de tous les jours. Il va lui donner ce discernement. Donc également, ce point-là, la taqwa, qui nous permet d'obtenir al-furqan, c'est un grand bien. Ya ayyuha alladhina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dhul fadli al-'azim. Et donc ceux qui ont cru, si vous craignez Allah Azza wa Jalla, il placera donc en vous un discernement, il vous permettra de discerner entre le bien et le faux, de ce qui est profitable et néfaste pour vous. Et également, il va vous pardonner. Il va expier vos mauvaises actions. Tayyib. Et Allah Azza wa Jal, il a une grande grâce envers nous, subhanahu wa ta'ala. Donc, ce qui nous permet de dire qu'également dans ce verset, il y a al-ghufran min al-dhunub. Et également, tariq al-ilm. C'est-à-dire, celui qui veut apprendre, celui qui veut prendre le chemin de la religion, il faut qu'il craigne Allah Azza wa Jal, pour qu'il puisse arriver et pour qu'il puisse obtenir. Et c'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal dit également dans son livre, وَاتَّقُوا وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهِ, c'est-à-dire, craignez Allah et Allah vous apprend. Craignez Allah et Allah vous apprend. C'est-à-dire qu'il vous facilite. Qu'il vous facilite la science. Qu'il vous facilite l'apprentissage. Et ce n'est pas de lire un verset ou un hadith du prophète, de même pas le comprendre et de dire وَاتَّقُوا اللَّهِ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهِ, c'est-à-dire simplement avec la taqwa, vous aurez la science. Non, ça veut dire donc que la personne, elle apprend, qu'elle fait les efforts pour apprendre, mais que pour que cela lui soit facilité, cette voie de la science, alors il faut qu'elle craigne Allah Azza wa Jal. Et ensuite, le dernier point que l'on cite et que l'on donne, c'est Nail al-Barakat. Nail al-Barakat. C'est-à-dire obtenir al-Baraka, la bénédiction. Et ça également, la personne, elle a besoin d'avoir la bénédiction dans sa famille, d'avoir la bénédiction dans l'argent qui rentre dans son foyer, d'avoir la bénédiction dans l'akl, c'est-à-dire dans la nourriture qu'il mange. Cette bénédiction, elle n'arrivera que si la personne elle craint Allah Azza wa Jal. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. C'est-à-dire si les gens des cités ou al-qura, des villages avaient cru et avaient fait preuve donc de piété, وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ, c'est-à-dire qu'on aurait ouvert barakat, les portes donc de la bénédiction, les bénédictions. Ce n'est pas une bénédiction ici, barakat, c'est biljam, c'est-à-dire les bénédictions depuis le ciel et depuis la terre. Vous voulez les versets pour tout ce qu'on a cité, pour ceux qui en étaient? Ceux qui ont noté, ils veulent les versets ou pas? Pour ceux qui notent, taïb. Donc le premier verset pour le Hifd al-Arda, c'est fi surat al-Imran et c'est le verset 120. Taïb. Ensuite, le deuxième verset pour Ta'yid wa Nasr wa Ma'ayatul Khassa, c'est fi surat les abeilles et c'est le verset 128. Ensuite, le troisième pour Husul al-Makhraj wa al-Risq, c'est dans la surat al-Talaq, le divorce, et le verset 2 et 3. Ensuite, Husur al-Taysir, c'est-à-dire la facilité, c'est également Fi surat le divorce, verset 4. Ensuite, Qaboul al-Amel, c'est pour ce verset, c'est Fi al-Ma'ida, la table servie, et qui est le verset 27. Ensuite, pour être le plus noble, c'est dans Fi surat les appartements. Taïb, Fi surat les appartements. Ensuite, pour ce qui est de An-Najatu min al-Nar, c'est dans la sourate Mariam, et le verset 72 également. Pour ce qui est de Al-Furqan, le discernement, c'est dans la sourate Al-Anfal, le butin, et c'est le verset 29. Et ensuite, Al-Ghufran, Naam, également, il rentre dedans Al-Ghufran, Tayyib. Également, Tariq al-Ilm, c'est la voie donc de la science, c'est Fil Baqara et le verset 282. Et ensuite, le dernier, Nail al-Barakat, donc obtenir les bénédictions, c'est fi surat les limbes et le verset 96. Surat les limbes et le verset 96. Taïeb. Ensuite, il dit, donc il nous a rappelé qu'est-ce que était la plus importante des wasiyas, celle d'Allah, qui est la taqwa. Donc on a vu ici un chapitre concernant cette taqwa, par rapport à sa définition, par rapport aux effets positifs qu'elle a, par rapport à comment elle était comprise chez les salafs et l'importance qu'elle avait. Ensuite, il nous dit, وَوَصَّى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعَاذًا لَمَّا بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ. Donc Mu'adh, comme on va le voir, le cheikh va nous citer certains de sa position et certains de ses mérites auprès des sahaba, c'est-à-dire qu'il avait une position, il avait un mérite parmi les sahaba, Mu'adh, et qui n'était pas le moindre. Pourquoi bien entendu il rappelle Mu'adh? Parce qu'il va nous citer un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui ce hadith là est en fait l'explication du verset du Coran. On va retrouver à travers le hadith l'explication du verset du Coran. C'est pour ça donc qu'il va rappeler les mérites de Mu'adh. Donc, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a donné une wasiya, une recommandation à Mu'adh lorsqu'il l'a envoyé au Yémen. Et cette recommandation, c'est celle ensuite qu'on va étudier, et qui est donc le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est un hadith authentique, qui est rapporté par l'imam Ahmed au Tirmidhi, et qui est authentifié par Cheikh al-Albani, Hassanahu, qui le considère comme acceptable. Mu'adh ibn Jabal ibn Amr ibn Aws al-Ansari al-Khazraji wa Abu Abd al-Rahman. Ça c'est le grand sahabi que tout le monde connaît, Mu'adh ibn Jamal ibn Amr ibn Aws al-Ansari al-Khazraji. Il a été donc parmi les premiers musulmans qui ont combattu aux côtés du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il a combattu à Badr. Et il a même fait toutes les batailles. Mu'adh ibn Jamal, il a fait toutes les batailles avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, du début jusqu'à la fin. Depuis Badr jusqu'à la fin. Et on sait le mérite de ceux qui ont combattu à Badr. Et ça fait partie donc, lorsqu'on étudie le mérite des Sahaba, parmi la plus haute position et parmi le plus haut degré des Sahaba, c'est ceux qui ont combattu où? À Badr. Et qui c'est qui nous rappelle le bienfait dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam de ceux qui ont combattu à Badr? Qu'est-ce qu'il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam à propos de ceux qui ont combattu à Badr? Naam. Tafadhal. Naam. Eh naam. Sahih. Il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, wajabat lakum al-jannah. Wajabat lakum al-jannah. C'est-à-dire que le paradis, il vous est réservé. Wajabat. Dans ce sens, wajabat lakum al-jannah. I'amelu ma shi'tum faqad ghafartu lakum. Ça c'est Allah Azza wa Jalla qui l'a dit et qui le prophète sallam qui l'informe à propos des gens de Badr. Faites ce que vous voulez après Badr, Allah Azza wa Jalla vous a pardonné. Subhanallah. Parmi les caractéristiques, c'est qu'il était grand et il était beau, il avait un beau visage, Mu'adh ibn Jabal. Et bien entendu, il était envoyé au Yémen, et c'est à partir de là, Al-Wasiyya. Donc, en quelle année il était envoyé au Yémen? Qui c'est qui se rappelle en quelle année il était envoyé au Yémen, Mu'adh? L'année Hijri. Naam? Man yathkur lana, mata ba'atha al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Mu'adh ila al-Jabal, ila al-Yémen. Mu'adh ibn Jabal ila al-Yémen. Personne se rappelle? C'était en l'an 10. Il est envoyé en l'an 10 au Yémen. L'an 10. De l'Hégire, bien entendu. Et c'était donc avant le pèlerinage du prophète. Il est resté là-bas jusqu'au calife de Abu Bakr. Il est resté là-bas jusqu'au calife de Abu Bakr. C'est-à-dire qu'il n'est pas revenu. Il n'était pas présent lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort. Il n'était pas présent donc pour le dernier, avant le pèlerinage du prophète. Il est resté jusqu'au calife d'Abou Bakr, donc il n'a pas assisté à la mort du prophète Sussam. Il est revenu ensuite, et puis il est reparti au Sham. Rahimallahu ta'ala. Et il est mort là-bas. Vous savez de quoi il est mort? Hein? Naam? Naam. Il est mort de la peste. Il est mort de la peste. En l'an 18. Rahimallahu ta'ala. Radiallahu ta'ala anhu. Et on peut voir donc dans ce qui était cité ensuite, donc on va reprendre le hadith et l'expliquer en détail, et on va voir que le shir lui-même nous rapporte les mérites. Et il nous dit qu'Ana Mu'adhu radiallahu ta'ala anhu, من النبي صلى الله عليه وسلم بمنزلات علية علية فإنه قال له يا معاذ والله إني لا أحبك. Et dans une version de Abu Dawud, il lui a dit deux fois. Donc regardez, quelqu'un qui vient vers le prophète, qui vient vers une personne et qui jure par Allah qu'il l'aime. Donc celui qui a gagné l'amour du prophète صلى الله عليه وسلم, automatiquement il a gagné l'amour d'Allah عز وجل. Car le prophète, il aime en Allah et il déteste en Allah. وكان يُرْدِفُهُ وَرَاءَهُ, c'est-à-dire donc qu'il lui laissait une place derrière sa monture. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se déplaçait en monture, il était donc derrière sa monture. وَرُوِيَ فِيهِ أَنَّهُ أَعْلَمُ الْأُمَّةِ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ. نعم, c'était le plus savant pour ce qui était du licite et de l'illicite. Et cela est un hadith qui est rapporté par l'imam Tirmidhi et qui est un hadith hassan, qui est un hadith acceptable et qui a même été authentifié par Cheikh Al-Albani rahmatullah alayh comme fi sahiha, et le verset qui est celui 1436. Et il nous dit wa annahu yuhsharu amam al-ulama bi ratwa ay bi khutwa, c'est-à-dire donc qu'il va être ressuscité le jour du jugement devant tous les sahaba, donc de par sa science, bi ratwa, c'est-à-dire donc d'un pas, il va être ressuscité devant les sahaba. Ça prouve également son fadl à Mu'adh. Et cela est pris également d'un hadith, et qui est un hadith rapporté par Tabarani. C'est un hadith également qui est authentique, et je reviendrai, Inch'Allah, avec son authenticité. J'ai oublié de le noter ici. Et je sais qu'il est présent fil sahiha. Tayyib. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il l'a envoyé au Yémen. Muballiran anhu, da'iyan, mufaqihan, uftiyan. C'est-à-dire qu'il va l'envoyer dans une position donc de prédicateur, qui va donc leur prêcher la religion. Da'iyan, mufaqihan, c'est-à-dire donc qu'il va leur enseigner ce qu'ils ont besoin dans la religion. Et il va répondre à leurs questions comme un mufti. Wa hakiman ila ahli al-Yaman. Et il va résoudre les problèmes qu'ils auront entre eux comme un hakim. Donc regardez les fonctions que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a données. Ce qui prouve également ici son mérite. Et on se rappelle ce hadith que tout le monde également a appris. Lorsque le prophète sallam ba'athahu ila al-Yaman wa qala lahu innaka ta'ti qawman min ahli al-kitab. C'est-à-dire que tu vas aller vers un peuple qui sont qui? Des gens du livre. Au Yémen, donc, c'était des gens du livre. Donc on voit l'importance de connaître bien al-mujtama', c'est-à-dire la société dans laquelle on va prêcher. Ça fait partie également des conditions ou alors des points essentiels à connaître pour tout prêcheur, tout prédicateur qui part enseigner les gens la religion ou qui part leur transmettre la religion. فَلْيَكُنْ أَوَلُ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةٌ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فِي رِوَايَةٍ أَنْ يُوَحِّدُوا اللَّهُ. Et donc l'importance du tawhid, parce qu'il lui a dit la première chose que tu dois leur apprendre, la première chose à quoi tu dois leur appeler, le tawhid. Donc on voit ici que des gens qui sont ignorants de la religion, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur demande de leur enseigner dans un premier temps le tawhid. Ce qui prouve donc que toute da'wa qui ne commence pas par le tawhid, c'est une da'wa qui est faussée. Toute da'wa qui ne commence pas par le tawhid, c'est une da'wa qui est faussée. Des gens qui vous appellent à l'islam par le biais de la politique, des gens qui vous appellent à l'islam par le biais du soufisme, des gens qui vous appellent à l'islam par le biais de toute autre voie, qui est celle du véritable tawhid, des gens qui viennent vous enseigner tout ce qui est en dehors et tout ce qui ne touche pas au tawhid, c'est une da'wa qui est faussée. Ça, c'est une règle à comprendre et à savoir. car on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même lorsqu'il a envoyé Mu'ad à des gens qui étaient ignorants, il leur a dit d'enseigner quoi? Le tawhid, l'unicité d'Allah Azzawajal. Et lorsqu'on observe les différents prédicateurs qui viennent d'autres pays et qui viennent par exemple en France, on va s'apercevoir, certains, ils viennent et ils apprennent aux gens ce qu'est le tawhid. Ils apprennent le sulah thalatha, kitab tawhid, tout ce qui va toucher donc à la croyance, tout ce qui est important dans ce domaine. Et d'autres qui vont vous apprendre des choses qui sont totalement en dehors de cela. Vous n'avez qu'à faire la différence. Et bien entendu, dans ce hadith, il y a également une règle qui est importante, c'est que si on parle donc du tawhid, c'est que la personne, elle commence de ce qui est de plus important, al-aham fal-aham, c'est-à-dire de plus important, ce qui est le plus important, et ensuite elle continue dans ce qui, yani, descend par degré. Et également une faïda ici, qaboul al-khabar al-wahid. On sait qu'il y a des gens de l'innovation qui disent que on ne peut pas accepter dans la religion un khabar, c'est-à-dire un hadith qui nous vient d'une seule personne, même si c'est un sahaba. Si ce hadith là, il est venu simplement d'une seule personne, alors on ne peut pas l'accepter. Ici, c'est quoi? C'est une règle qui est bâtie. Pourquoi? Parce que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il envoie Mu'adh au Yémen, eux ils vont prendre la religion de qui? D'une seule personne. Donc le khabar qui va être reçu, c'est-à-dire donc les informations qui vont être reçues de Mu'adh, c'est d'une seule personne. Donc ceux qui viennent nous dire que parmi les gens de l'innovation qui viennent dire qu'on ne peut pas accepter le hadith, le khabar, il a dit yarwi al-wahid, هذا mardoud, بهذا الحديث. Également, وكان يشبهه بإبراهيم الخليل, c'est-à-dire donc qu'il le comparait, sallallahu alayhi wa sallam, à Ibrahim. وإبراهيم إمام الناس. وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول إن معاذا كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. Donc il faisait référence par rapport à ça au verset du Coran où il est cité إن إبراهيم والله عز وجل يقول إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. C'est-à-dire donc qu'il le faisait ressembler à Ibrahim car il était considéré comme une umma. Et on va voir les différents termes que prennent le terme umma. Umma, le terme umma, souvent on le traduit par quoi umma? La communauté. Mais on va voir que ça prend quatre sens dans le Coran. Quatre sens dans le Coran. À la kulli hal ici, le sens ici, c'est-à-dire al-qudwa, al-imam fil khair. Tayyib, c'est dans ce sens ici, ummatan qanitan lillah. Donc, parmi les points que l'on cite pour la définition du terme umma, ou plutôt toutes les formes que prennent le terme umma dans le Coran, le premier c'est donc l'imam fil khair, le guide dans le bien. Et ça, c'est le verset qu'on a cité. Tayyib, l'imam fil khair. C'est le premier terme de, ou la première signification de l'umma fil Coran, d'après donc ce verset, le verset qui a été cité. Qu'on a cité. Et ensuite, al-fatratu zamaniya, c'est-à-dire le temps, la période de temps. Le terme umma, il veut dire également la période de temps dans Aish, dans le Coran. Et ça, on va le retrouver dans Surat Yusuf. وَقَالَ الَّذِي نَجَى مِنْهُمَا اِدَّكَّرَ بَعْدَ أُمَّةٍ. C'est-à-dire donc, à celui qui va être sauvé, on sait donc les deux hommes qui étaient dans la prison avec Yusuf, parmi les deux, celui qui va être sauvé, Youssouf, il lui avait demandé un service de le rappeler donc auprès du Al-Malik. Et une chose qu'il a oubliée, à la kulli hal, ad-dakkara ba'd ummatin, c'est-à-dire qu'il s'est rappelé après un temps. Ba'd ummatin, le terme ici, ou le terme umma, il veut dire temps, une période de temps, un laps de temps. Et ça, c'est fi surat Youssouf, qui est le verset 45. Ensuite, al-jama'atu min an-nas. Al-jama'atu min an-nas. C'est-à-dire donc, une communauté. Ici donc le sens communauté, comme il est venu fi surat al-Qasas, qui est le verset 23, walamma warada ma'a madyana wajada 'ali ummatan min an-nas. Et donc lorsqu'ils sont venus auprès de l'eau qui se trouvait donc auprès du peuple de Madian, ils ont trouvé donc une communauté, ils ont trouvé beaucoup de gens. Ummatan minan nas. Et ensuite, le quatrième et le dernier sens, al-shari'a al-milla, c'est-à-dire la confession, la religion. La confession, la religion. Et c'est pour ça donc qu'on retrouve dans le verset bal qalu inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muhtadun. Le terme donc ici, umma, ça veut dire la religion et la confession. C'est-à-dire, au contraire, nous avons trouvé, ou nous avons trouvé nos pères sur une religion, sur une confession. Et on est sur leurs traces. On est bien guidé sur leurs traces. C'est toujours donc la réponse que donnent les gens de l'égarement au prophète. Donc ici, ala ummatin, yani ala din. Ça, c'est les quatre définitions, ou les quatre formes que prend le terme umma dans le Coran. طيب نكتفي بهذا القدر ساعة ونصف يوم كنتينيوغا إن شاء الله تعالى دوما سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك parce que je sais vous revenez enfin je pense que la plupart d'entre vous avez assisté au cours du Cheikh Haitham également du Cheikh Adani donc les batteries elles doivent être épuisées hein on le fait خفيف نجعله خفيفا إن شاء الله